gazelle. Ma femme, oh non non non, tel lion dans la savane africaine. Le prédateur que je suis retrouve son instinct et redevient l'être infâme que tu connais bien. J'ai pour conscience de ton âge.